Radiomatique. amorcer la transmission 445 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du groupe allemand Phallus DI. De son album intitulé Orpheus and Eurydice et paru en 1995, nous entendions la chanson Queen Bee Hides Amongst the Dead. Et maintenant, c'est au tour de la formation néerlandaise Zuko 103 d'assurer la continuité à Audiomatic. Thank you. Yeah. à Audiomatic. C'était le projet français Snooze, mené par Dominique Dalcan, de qui on entendait la pièce Killer with a Gun, remixée ici par Fila Brasilia. La version originale de Killer with a Gun se retrouve sur le premier album de Snooze, The Man in the Shadow, paru en 1997, tandis que la version remixée par Fila Brasilia est extraite du single pour la pièce Middle Class Lady, qui lui a été lancée en 1996. Précédemment à Snooze, il s'agissait du groupe néerlandais Zuko 103, de son plus récent album Telenova, sorti le 14 avril 2023. Nous vous avons présenté sa chanson Au Mato. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois sans tarder avec le groupe canadien Grimelda. s'agissait à Audiomatic de la formation américaine What It Do Archive Group, de son deuxième album Palace of a Thousand Sounds, paru le 5 mai 2023. Nous entendions leur composition Delirium. Et en premier lieu, c'était le groupe canadien Grimelda, originaire de Saskatoon, et sa chanson Dirty Little Dirt Bike, tiré du mini-album It's So Feeling When You Rock, lancé le 25 avril 2023. Pour la suite d'Audiomatic, nous vous proposons la musique du compositeur canadien Brent Barkman. Thank you. Nous avions droit à Audiomatic, à la violoncelliste, chanteuse et compositrice brésilienne Dominique Pinto, qui se fait connaître sous le pseudonyme de Dom La Nena. Elle nous interprétait sa composition Du Lac, extraite de son quatrième album studio, Léon, sorti le 7 avril 2023. Tout juste avant Dom la Nena, c'était la collaboration entre Reinhard van Berghin, Reinhard Rollens et Charlotte Kaluwartz, de qui on entendait la collaboration, donc la chanson Danger, que l'on peut retrouver sur leur album homonyme Reinhard and Charlotte, qui est paru le 18 avril 2023. Et en amorce de séquence, nous vous proposions la musique du projet canadien originaire de Winnipeg, Brent Barkman, et sa composition Heads or Tails, tirée de son plus récent album Togetherless. En conclusion de cette transmission 445 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la musique du groupe américain Grizzly Bear de l'album Horn of Plenty de Remixes, sorti en 2005. Nous écouterons la chanson Shift, remixée par le projet Circle Square. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Grizzly Bear et la chanson Shift, remixé par Circle Square. C'était Audiomatic avec les sonoristes. This is getting